je rencontre deux signaux différents. Un signal de danger indiquant un dos d'âne et une interdiction limitant la vitesse à 30 km/h. En général, les panneaux triangulaires sont implantés environ 150 mètres avant le danger qu'ils signalent en race campagne. Le dos d'âne est donc ici à 150 mètres. En revanche, à partir du panneau, je devrais rouler à 30 km/h. Réponse A.